Les longs midis. La sergente Amélie Lacroix tapait des doigts sur le bureau verni. « Je vous ai déjà tout dit, » précisa-t-elle, essayant de contenir sa frustration. « Combien de fois voulez-vous que je le répète? » Dans le bureau sans fenêtre, trois personnes étaient assises devant elle, leur regard errant du sien au panneau numérique enchâssé dans la table. Il y avait d'abord le duo d'usage, psy et RH, celle qu'on envoyait chaque fois que ça merdait. Mais il y avait aussi un commandant du service, placé là pour montrer que c'était sérieux, mais surtout parce qu'il n'y avait personne d'autre dans les échelons pour y assister. Les inspecteurs étaient trop nuls et le directeur n'avait jamais le temps pour rien. « On cherche simplement à comprendre, » précisa Psy. « Amélie, » tenta RH, un peu trop familière. « C'est important que tu nous parles, que tu te confies, de bonne foi. Tu comprends pour ton dossier? » « Allez, sergente !» rumina commandant, qui avait toujours le dernier mot. « Encore une fois !» Amélie cessa de taper des doigts. Elle avala sa salive, se prépara à parler. Les caméras biométriques, qui étaient fixées dans des coins opposés de la salle d'entrevue, en profitèrent pour zoomer sur son visage, mesurer son expression, le timbre de sa voix. Sans réfléchir, Amélie replaça la frange de ses cheveux châtains, quelques mèches blondes visibles à travers la queue de cheval. Elle se redressa sur la chaise, sa carrure athlétique évidente malgré l'uniforme noir du SOM, Service d'ordre métropolitain. « J'ai répondu à un appel pour tapage nocturne, » commença la sergente. « Je suis arrivée sur les lieux à 1h30 du matin. Vous pouvez voir dans l'ordinateur de bord. Le reste est dans mon rapport. »« Mais non, ma chouette !» coupa RH de sa voix sirupeuse. « On veut savoir ce qui s'est passé avant. Comment ton corps a commencé ?»« Depuis le début, s'il te plaît. Ça nous aiderait beaucoup à reconstruire la trame des événements. » « En es-tu capable? Veux-tu un autre café? Un petit verre d'eau? » « Ça va, » bredouilla Amélie, même si elle avait soif. Il ne fallait pas montrer sa faiblesse. « Alors? » insista commandant. « Ben, en fait, » tenta Amélie. « Il m'est arrivé quelque chose au début de mon corps. C'est en entrant dans mon auto-patrouille, rien de grave, mais... » Amélie hésita avant de poursuivre, plus froidement. Quelqu'un avait uriné sur la portière. En ouvrant la poignée, j'ai mis la main dedans sans m'en rendre compte, puis j'en avais plein les doigts. Nota Psy. Et comment tu t'es sentie? Bof, répondit Amélie nonchalamment. J'étais pas particulièrement contente. Je veux dire, qui ferait quelque chose comme ça? Ça vous est déjà arrivé, ce genre de conneries, vous? Étais-tu choquée? Redoubla Psy. Ce serait fâchant pour n'importe qui, c'est certain. Un peu, oui, avoua Amélie, se remémorant la scène. Enfin, je pense. RH tenta de sympathiser. Les lundis, c'est comme ça des fois, hein? Fichue façon de commencer la semaine. Je vois dans votre dossier, enchaîna Psy en défilant des fichiers sur l'écran tactile, que vous êtes suivi par un médecin, régiment de duloxétine, antidépresseur, 400 mg, fort dosage. Vous les prenez toujours? Ouais, ouais. Rassura Amélie. Bon, coupa commandant, soudainement. On a compris. Allons directement à l'intervention. D'accord? Qu'est-ce qui est arrivé, précisément, sur les lieux? Sergente? Soulagée de revenir en territoire connu, Amélie énonça mécaniquement. Le suspect était un homme de race noire, dans la vingtaine, probablement sans domicile fixe. Il était en train de fouiller dans les poubelles d'un restaurant. Il se trouvait sur une propriété privée. Je me suis approchée pour l'appréhender et il m'a menacée avec une arme blanche. Amélie pouvait voir les photos filer sur la table à toute allure. 3 douilles de 9 mm, un cadavre dans une mare de sang, 2 balles au cœur, 1 à la tête, témoignant d'un entraînement militaire gravé dans sa mémoire musculaire, la coordination parfaite entre l'œil et la gâchette. « Vous avez mentionné une arme blanche ?» demanda Psy. Amélie fronça les sourcils. Elle réalisa qu'elle n'aimait pas cette Psy. Elle posait trop de questions, mettait son nez où elle n'avait pas d'affaires. Mais une fois qu'elle réalisa ce qui se tramait, il était déjà trop tard. Amélie sentit son pouls s'accélérer, ce que les caméras notèrent automatiquement. « Oui, » répondit-elle sèchement. Mais Psy revint à la charge. « Pouvez-vous élaborer sur ce détail, sergente ?» La policière ne savait plus quoi dire. Elle envoyait des regards suppliants à RH et commandant, en vain. « Une fourchette ?» précisa Psy. « C'était une vulgaire fourchette de table. Vous dites que le suspect fouillait dans les poubelles d'un restaurant ?» La tension était palpable. RH se mordait la lèvre et n'osait pas intervenir. « Et vous portiez bien votre veste ?» poursuivit Psy, énumérant les éléments d'une liste défilant sur l'écran. « Fibres synthétiques para-aramides, jambières, bottes, casques, visières. » C'est alors que commandant se leva de la chaise. Il pressa sa paume sur la vitre. Le dispositif lumineux s'éteignit d'un coup. Par ce geste expéditif, il venait de mettre fin à l'entrevue. « Le suspect était armé !» proclama-t-il avant de se tourner vers Amélie. « Merci, sergente. Ce sera tout. »